Exercice 12, page 145. Son père demeure encore quelques instants silencieux. Les secondes passent. Grâce à toi, nous avons le droit d'être là. Karine a l'impression d'un écho dans l'écouteur, comme si les paroles de son père étaient répétées à l'infini.